Certains qui voudraient boire et faire la fête jusqu'au matin, d'autres qui prieraient. D'autres qui prieraient. Ceux qui s'en fichent se donneraient du plaisir. Et d'autres qui voudraient encore partir avant la fin. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Jusqu'à demain et tous les jours d'après. Curieux.